Radiomatique. L'entrée en matière de cette transmission 086 d'Audiomatic nous était offerte par le projet Biosphere et sa version très différente de la pièce Circuitry, originalement composée par le groupe Frontline Assembly. Ce remix de Biosphere se trouve sur le single de la pièce Circuitry, alors que la version originale paraît sur l'album Hardwired, sorti en 1995. Le moment présent s'enregistre simultanément avec le passage du temps. Il s'incruste non seulement dans nos mémoires à l'instant même où il s'incarne, mais se copie en parallèle dans une codification numérique qui le rend malléable au séquençage, au morcellement, à la répétition et à la surimpression du passé sur ce qui se déroule en temps réel. Le moment présent se déracine alors non seulement de la chronologie, mais de l'espace dans lequel il a eu lieu. Audiomatic est aux prises avec cette réalité bicéphale, constamment dans l'ambivalence marquée par le direct et le différé. Et le piège qui guette les électronistes est de vivre dans le futur et de se nourrir uniquement du sentiment d'anticipation, et de se soucier davantage des impacts que causeront la rediffusion de la temporalité actuelle dans des lieux autres que celui dans lequel elle a pris naissance. Si nous vous disons maintenant que la prochaine pièce de notre programmation musicale sera l'œuvre de Gold Panda, nous sommes conscients qu'avec l'enregistrement qui sous-tend notre existence radiophonique, ces mêmes mots seront probablement redits exactement de la même manière, mais nous ne savons pas à quel moment, et surtout, nous ne savons pas à quel endroit. Bye.

À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le groupe torontois Holy Fuck et la pièce Chimes Broken qui ouvre magnifiquement leur plus récent album Congrats. Précédemment, il s'agissait du duo viennois Leia et la chanson Drowning in Youth de leur album Spanish Disco. Et le projet anglais Gold Panda amorçait la séquence avec la pièce Time Eater de son dernier album Good Luck and Do Your Best. Ah, Audiomatic, allons-y maintenant avec le projet mexicain Siete Catorce qui se produira sur scène en ce mercredi 1er juin au Musée d'art contemporain de Montréal dans le cadre du Festival de musique électronique MUTEC qui se déroule jusqu'au 5 juin. Ceux qui y seront ce soir auront également la chance de voir Atom TM et Midnight Operator, entre autres. Mais ce soir est un autre moment, alors pour l'instant, laissons la place à Siete Catorce et sa pièce Desierto. C'est le 89.9. C'est fou. Avant l'interruption publicitaire, c'est sur la musique du projet Montoya que se terminait la séquence musicale. Nous entendions la pièce Bamboo Tropical tirée de la toute nouvelle compilation Biahe Andino Volumo Uno de l'étiquette Seyo Regional. Avant Montoya, c'était le projet péruvien Capac et sa pièce Sol qu'on retrouve sur son album homonyme. Et le projet mexicain Siete 14 se chargeait d'ouvrir la séquence musicale avec sa pièce Desierto, tiré de son mini-album Paisayes. Audiomatique avec les électronistes se poursuit sur les ondes de C'est fou avec l'artiste américain Elliot Lip. Nous avions droit à Audiomatic, à la musique du projet TIX, qui est mené par l'Autrichien Stefan Preuss, qui fait également partie du groupe Mind in a Box. Il nous présentait ici sa chanson Spoil, tirée de l'album The Way Home. Avant TIX, nous avons pu entendre la chanteuse anglaise Beth Horton, qui s'est fait connaître au début de sa carrière en collaborant avec William Orbit et The Chemical Brothers. Elle nous interprétait la chanson Dawn Star, parue sur son plus récent album Kid Styx. Et pour débuter ce segment musical, nous avons choisi de vous faire jouer la pièce Till the End du dernier album de l'artiste américain Elliott Lip intitulé Come to Life. Nous terminons cette transmission d'Audiomatic avec un autre artiste qui sera sur scène dans le cadre du festival MUTEC, à savoir le Canadien Tim Hecker. Celui-ci offrira sa prestation demain soir, le jeudi 2 juin, au Musée d'art contemporain de Montréal. De son tout nouvel album Love Streams, nous écouterons la pièce Black Phase. Mais avant d'entendre la musique de Tim Hecker, vous nous permettrez de prendre le temps de vous remercier d'avoir été à l'écoute de la transmission 086 d'Audiomatic, que ce soit en direct ou en différé, et nous vous convions à être des nôtres mercredi prochain à compter de 17h pour la transmission, vous l'aurez deviné, 087. Les électronistes vous invitent également à visiter leur profil au facebook.com/audiomaticcfou afin de pouvoir entendre ou réentendre toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et enfin, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour peu importe la raison en nous écrivant à l'adresse audiomaticcfou@commercial.gmail.com. Et voici Tim Hecker et sa pièce Black Phase. Bonne écoute et bonne semaine.